Ça vit quand tu veux le taquet. Mais quand il y a un mort de quelque chose, alors il y a ça, un type qui a dit chic. Madame, non, un miroir. Miroir pour me faire regarder une cachot qui me fait mal. Pauvre homme. Et disait que Rose et Rouda, dans mes son vocabulaire, et vous ne savez pas une sève pour manger mon pain. Une sève, je ne sais pas. À quelqu'un qui savait le pain. Vous savez, une sève pour manger mon pain. Voilà la nourriture, le casse-croûte.